pour la première fois en France, une chanson avec un la mineur dedans. Aujourd'hui, rien à faire. Télé allumée, pack de bière. En beurre carton, je me fais de la peine. Mon seul compagnon, une plate de laine. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. L'écran ne restera pas un déchet. Aujourd'hui, je ne serai plus à la traîne. Car aujourd'hui, je branche l'antenne. La la la la la la la la la la la la la la la la. J'ai pas d'avis, pas de but, pas d'avenir. Mon poisson est le seul à me sourire. Il faut que je me trouve un truc à écouter. Un truc qui arriverait à me motiver. Heureusement, il y a Trunel. Ce truc de fou qui me donne des ailes. Fonce à la flaque, n'en fais pas de pub. Le seul CD gratuit rempli de tubes. Allume ta chaîne et mets le son à fond. Le voisin qui crie, c'est le gros boxon. J'ai rien entendu à leur dernière phrase. Mais ces trucs, ça devait être l'extase. Leurs chansons font un effet magique. Ils sont trop beaux, géants et fantastiques. Grâce à eux, je fais des économies. Du moins dans le rayon papeterie. Car depuis la sortie de leur album, mes oreilles se sont transformées en gomme. Ça c'est sûr que je ne peux plus m'en passer. C'est comme une drogue, ce super CD. D'ailleurs quand tu ne sors pas de nouvelles chansons, en quelques jours je pars en dépression. Et heureusement il y a Trunel. Truc de fou qui me donne des ailes. Fonce à la flaque, non, ne fais pas de pub. Le seul CD gratuit rempli de tubes. Allume ta chaîne et mets le son à fond. Avec le voisin, c'est la grosse baston. Tout ça permettra de te sentir hors.